bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Ils ont chanté la ville, ils ont chanté leur quartier. Charles Trenet se souvient de Ménilmontant, de sa jeunesse. Mais oui, madame, c'est là qu'il a laissé son cœur. C'est là qu'il vient retrouver son âme, toute sa flamme, tout son bonheur. Pareil, Mouloudji et Patachou se souviennent de la rue Saint-Vincent, dans la complainte de la butte, écho au film French Cancan de Jean Renoir. Vous savez, en haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revu. C'est triste. Aristide Bruand, lui aussi, a chanté la rue Saint-Vincent. Faut dire qu'il a chanté un peu tout le Paris populaire. Belleville, Ménilmontant, la Goutte d'Or, la Villette. Et puis, bien entendu, la Bastille, où on aime bien Nini Peau de Chien. Elle est si bonne et si gentille. Il en est ainsi pour Paris, mais également pour toutes les villes de France où les quartiers populaires offrent une identité forte à travers les âges. La Croix-Rousse, Fourvière, Le Panier, Castellane, le quartier des Chartrons, des Chartons, oui, tous ces quartiers qu'il est si agréable, si doux de chanter. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, nous sommes très urbains, parce qu'il est essentiel d'être poli, mais surtout parce que la ville est un objet historique. Nous avons parlé en début de semaine de la figure du maire, alors que dans quelques mois auront lieu les élections municipales. Nous avons parlé de cette ville qui se construit au Moyen-Âge en pierre, en bois, en torchis, des émissions que vous pouvez réécouter sur le site internet le cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast, et puis vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons évoquer le moment étonnant où la ville surgit, puisque elle ne surgit pas, elle s'impose peu à peu, elle s'impose, et c'est ça qui est étonnant, sans l'intervention des autorités, et surtout elle se construit sans le besoin des autorités, elle ne s'en porte pas plus mal. Aujourd'hui avec nous, Alexandre Frondizi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes post-doctorant à l'université de Neuchâtel. Vous avez réalisé votre thèse sur, je lis le titre, Paris au-delà de Paris, urbanisation et révolution dans l'outre-octroi populaire. Il faudrait expliquer ce mot outre-octroi. L'expression est très jolie. C'est quoi l'octroi déjà? Alors, l'octroi, c'est une frontière matérielle, un mur, percé par des barrières qui permettent aux douaniers de faire payer l'impôt indirect sur les marchandises, donc qui doivent s'acquitter d'un impôt pour entrer dans la ville. Donc en pénétrant dans Paris, il faut payer un impôt. Voilà, c'est ça, hein, autour des villes. Bon, ça, c'est toute la période médiévale, moderne, et ça dure au 19e siècle. Il y a une frontière, et même au début du 20e siècle, il y a une frontière autour de la ville, et donc une petite taxe à chaque fois. Il faut payer un impôt. Donc vous vous intéressez à l'outre-octroi. Nous sommes hors de la ville, mais déjà dans la ville. C'est le paradoxe. Oui, exactement. Donc déjà, il faudrait rappeler que cet octroi du 19e siècle se situe, on va dire, sur l'actuelle ligne 2 et ligne 6 du métro parisien, c'est-à-dire les boulevards extérieurs, comme on les appelait, depuis 1789 à peu près. C'est à la fin de l'Ancien Régime et sous la Révolution qu'on construit un mur pour matérialiser cette frontière fiscale et cette frontière qui devient aussi administrative, justement. Les frontières de Paris vont se superposer aux frontières fiscales. Et donc, je travaille sur cet espace qui est au-delà de ce mur, donc dans l'outre-octroi. C'est, vous l'avez compris, une analogie avec l'outre-mer. C'est-à-dire, on est au-delà de l'octroi, mais on est toujours en France. On est toujours à Paris, dans ce cas-là. Dites-moi, Alexandre Frondizi, j'entends votre accent. Ce n'est pas tellement la gouaille montmartoise. C'est un accent qui vient d'outre-mer, mais plus précisément qui vient de l'Argentine. De l'Argentine, donc un regard extérieur, et ça c'est intéressant, sur quelqu'un qui connaît bien Paris de l'intérieur. Et dans cette émission, nous allons également parler de la fabrication d'une ville, de la fabrique de la ville, avec le cas particulier de Tours qui a été étudié par Hélène Noiset, maîtresse de conférence en histoire médiévale à l'Université Paris 1. La thèse d'Hélène Noiset et le livre qui en est tiré, c'est La fabrique de la ville, espace et société à Tours, Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sur un temps très long, parce que nous allons partir du 9e au 13e siècle, et même encore avant. À la fin de l'émission, nous retrouverons Anaïs Kia. Anaïs, qui assure également la programmation de cette émission. Mais pour le moment, petit tour à Paris. À Paris, en 1866, avec la vie parisienne d'Offenbach, chantée en l'occurrence par Dario Moreno et les chœurs. À Paris, nous arrivons en masse. À Paris, nous nous précipitons. À Paris, il faut nous faire place. À Paris, nous nous ruinerons. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens encore. Deux fois je suis venu déjà, j'avais de l'or dans ma valise. Des diamants dans ma chemise, combien a duré tout cela? Le temps d'avoir 200 amis et de mes 4 ou 5 mètres et 6 mois de galantes ivresses. C'est plus rien en Paris, Paris. En 6 mois tu m'as tout raflé et puis vers ma jeune Amérique, tu m'as pauvre mélancolique délicatement emballé. Mais je brûlais de revenir et là-bas sous mon ciel sauvage, je me répétais avec rage une autre fortune en mourir. Je ne suis pas mort, j'ai gagné tant bien que mal de somme volée. Je viens pour que tu me voles tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé. Oh. Dario Moreno dans la vie parisienne d'Offenbach, 1866. Alors c'est un Brésilien qui arrive à Paris. Vous, Alexandre Frondizi, vous êtes l'Argentin qui arrive à Paris. 1866, la vie parisienne, c'est une image qui est une forme de cliché, mais les clichés sont toujours intéressants, de Paris qui se transforme avec l'action d'Haussmann, et nous imaginons cette volonté venue du pouvoir, préfecture de la Seine, qui transforme Paris. Et bien souvent d'ailleurs on imagine Haussmann tout seul avec cette petite ruelle en train de transformer la ville, de tout décider sur la ville. Vous, votre objet d'étude est sur ce que vous avez appelé l'outre-octroi, c'est-à-dire, allez, on va dire les faubourgs pour simplifier, c'est un peu ça? Oui, la petite banlieue, on l'appelle petite à l'époque banlieue. Aussi. Voilà, la petite banlieue dont une partie est englobée dans Paris à partir des années 1860. C'est un monde qui est intéressant parce que nous sommes, par définition, outre-octroi, hors de la ville. Et pourtant, la ville surgit. C'est un peu la question que j'ai envie de vous poser, elle est difficile, mais qui décide de faire la ville dans cet espace-là où normalement, il n'y a pas de ville? Excellente question, qui demandera un très très long développement, donc je vais essayer d'être synthétique. Qui décide de faire la ville? Les urbains, c'est-à-dire les citadins. C'est en tout cas ma thèse, c'est que la ville, elle se fait par le bas. Vous l'avez très bien dit en introduction, ce ne sont pas seulement les autorités qui décident du dessin de la ville, des rythmes de construction de la ville, mais ce sont avant tout les habitants, et en grande partie, les habitants de Paris au XIXe siècle, on revient à Offenbach, ce sont des immigrés. Donc en grande partie, Paris est faite par des citadins qui ne sont pas nés à Paris. Oui, c'est ça, c'est l'exode rural de toutes les provinces de France, les Bougnards arrivent, les Bretons, et donc ce sont des gens qui s'installent et qui font la ville. Il y a des éléments pertinents dans cette réflexion autour de faire la ville, c'est que des bâtiments se construisent, des terrains sont achetés, c'est-à-dire ce ne sont pas des gens qui arrivent avec leur baluchon, qui se posent et qui construisent. Énormément d'acteurs sont en cause dans cette mise en place d'une ville hors de la ville. Oui, votre remarque est très pertinente, parce que au fond, on a cette image qui est en partie reproduite par Offenbach en 66, celle d'immigrés qui s'installent dès leur arrivée dans ces faubourgs, donc faubourgs, fausses villes, avec leurs baluchons qui construiraient des bicoques. Or, lorsqu'on regarde de près les actes notariés, les plans, on se rend compte que c'est une ville d'immeubles à plusieurs étages et qui fait jouer énormément d'acteurs. Le lotisseur, les spéculateurs de tous ordres, les banquiers, qui sont souvent aussi lotisseurs, les pouvoirs publics, mais à l'échelle communale, donc les maires de la petite banlieue, les conseillers municipaux de la petite banlieue, mais surtout ces acquéreurs que j'appelle les lotis-bâtisseurs, qui eux-mêmes font bâtir par un ensemble d'ouvriers, dont Martin Nadaud, dont vous avez parlé hier, c'est vrai. Qui construisent petit à petit cette ville, mais dès le départ, à plusieurs étages et avec toutes les aménités qui sont celles du cœur de la ville. Martin Nadaud, qui était député sous la Deuxième République et qui, pendant 20 ans, avant d'être député, puis il le continuait encore, mais bon, plus par posture, était maçon. Vous avez évoqué, Alexandre Fondizzi, ce mot de loti, de lotissement. C'est au cœur de cette réflexion sur l'extension de la ville, hors de la ville, hors de l'octroi. Qu'est-ce que sont ces lotissements ? Alors, l'originalité des lotissements que j'étudie dans la thèse, donc du 19e siècle, sont qu'ils s'inscrivent dans la continuité des lotissements de l'Ancien Régime, et notamment du XVIIIe siècle, c'est-à-dire que ce sont des privés qui sont aux manettes et qui lotissent en grande partie des anciennes propriétés ecclésiastiques après la nationalisation des biens du clergé sous la Révolution. Mais l'originalité, c'est que ces lotissements sont désormais à vocation populaire. Voilà, c'est peut-être... Voilà l'originalité des lotissements du XIXe siècle. Ce sont les premiers, en tout cas je le crois, à Paris, qui sont dès le départ pensés pour loger ces immigrés ouvriers qui viennent aider à accélérer cette industrialisation très forte du XIXe siècle. Si on regarde la chronologie, Alexandre Fondizzi, on est à quel moment ? C'est-à-dire que là, nous évoquions le Second Empire, parce que le Second Empire est un moment facile. C'est l'osmanisation, donc les travaux sont marquants, et les contemporains voient que la ville est en train de changer. Mais en réalité, c'est un mouvement qui date de plusieurs décennies auparavant. Alors, les premiers grands lotissements qui urbanisent cet outre-octroi, donc qui font de Paris une ville multipolaire, j'ai envie de dire. Parce que, en deçà de l'octroi, donc dans Paris, il y a des espaces qui restent non urbanisés au XIXe siècle. Il ne faut pas essayer de penser cette urbanisation comme un processus continu d'un point de vue géographique, spatial. Alors, j'ai déjà presque oublié votre question. À partir de quel moment, en fait, commence-t-on à acheter des terrains pour construire des lotissements autour de Paris ? Voilà, excellente question. Donc, en fait... On commence dans les années 1820. Les premiers grands lotissements, c'est ça que je disais, commencent dans les années 1820 et notamment 1822, 1823, en même temps que la France revient glorieuse de son intervention en Espagne et que donc il y a l'idée que la France reprend un poids diplomatique et que la paix est de retour en Europe, une paix absolutiste, mais une paix tout de même qui permet aux investisseurs de croire à nouveau que l'économie ne sera pas bouleversée par ces affrontements géopolitiques. Donc dans les années 1823, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette urbanisation des années 20 est illégale outre-octroi, puisqu'autour de ce mur de l'octroi dont on parlait tout à l'heure, il y a une bande de 100 mètres de longueur sur laquelle on ne peut pas bâtir. C'est une zone, comme on l'appelle, non edificandi, où il est interdit de bâtir. Or, les maires des communes de banlieue, pour prouver leur souveraineté territoriale sur cet espace, acceptent, tolèrent, ferment les yeux sur ces lotisseurs qui vont permettre à la ville de grandir, de croître au-delà de l'octroi. Alexandre Fondizzi, c'est logique, hein, au-delà de la frontière de la ville, on ne peut pas bâtir parce que la frontière est là justement pour surveiller, il faut y laisser un espace vide. Vous l'avez rappelé, c'est la zone, d'où le verbe zoner, qui est un verbe très ancien. Nous zonons aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, et donc dans cette zone, on ne peut pas bâtir. Il y a des choses qui sont construites, vous nous le dites. Mais est-ce que ce sont déjà des bâtiments en dur ? Est-ce que ce n'est pas plutôt au début des cabanes de briques et de broc ? Comment ça s'installe tout doucement autour de la ville, ces constructions qui sont, on va dire, la proto-ville outre-octroi ? La phrase est compliquée. Alors, cette image est une image qui nous vient de la zone qui sera celle de l'époque haussmannienne, voire de la Troisième République. C'est-à-dire qui est cette zone au-delà non plus du mur de l'octroi, mais du mur des fermiers généraux, construit par tiers dans les années 1840. Donc après, vous l'avez rappelé, l'annexion haussmannienne de la petite banlieue en 60, Paris grandit, et donc la zone est déplacée de quelques centaines, voire un peu plus, un kilomètre, deux kilomètres, donc est déplacée. Et là, oui, se construisent des bicoques. Mais ce que j'essaye de prouver dans la thèse, c'est que dans les années 20, dans les années 1820-1830, ce ne sont pas des bicoques, justement, qui se construisent au-delà de l'octroi, mais des immeubles en dur, vous l'avez bien dit, et de plusieurs étages. Des rues pavées, éclairées, où arrive l'eau, où arrive le gaz. Voilà. Donc, c'est j'essaye de déconstruire justement cette image que l'on a d'une construction précaire qui serait le noyau d'une future véritable ville. Et vous l'étudiez à partir des archives notariales, à partir d'archives chiffrées, factuelles, qui vont au-delà, c'est vrai, des représentations. Et il y a une confrontation. Aujourd'hui, nous réfléchissons au moment où surgit la ville, qui ne surgit pas vraiment. Elle s'installe peu à peu. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Alexandre Frondizi, dans la construction de cette ville de faubourg, va-t-on dire, nous avons une lecture qui est celle que vous faites en travaillant sur les sources notariales, des sources qui donnent des faits chiffrés, et d'autres, hein, bien sûr, vous multipliez les sources. Hein. Et parmi celles-ci, il y a la littérature, il y a ce regard porté sur l'extension de la ville. On va en écouter un extrait avec la lecture par Olivier Martineau d'un petit bout de la Saumoire d'Émile Zola. Nous sommes en 1876 quand Zola écrit, mais il évoque dans les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, une période un petit peu précédente. L'hôtel se trouvait sur le boulevard de la Chapelle, à gauche de la barrière poissonnière. Gervaise, que la lanterne gênait, se haussait son mouchoir sur les lèvres. Elle regardait à droite, du côté du boulevard de Rochechouart, où des groupes de bouchers devant les abattoirs stationnaient en tablier sanglant. Et le vent frais apportait une puanteur par moments, une odeur fauve de bêtes massacrées. Elle regardait à gauche, enfilant un long ruban d'avenue, s'arrêtant presque en face d'elle, à la masse blanche de l'hôpital de Lariboisière, alors en construction. Lentement, d'un bout à l'autre de l'horizon, elle suivait le mur de l'octroi, derrière lequel la nuit, elle entendait parfois des cris d'assassinés. Quand elle levait les yeux, au-delà de cette muraille grise et interminable qui entourait la ville d'une bande de désert, elle apercevait une grande lueur, une poussière de soleil, pleine déjà du grondement matinal de Paris. Mais c'était toujours à la barrière poissonnière qu'elle revenait, le cou tendu, s'étourdissant à voir couler entre les deux pavillons trapus de l'octroi, le flot ininterrompu d'hommes, de bêtes, de charrettes, qui descendaient des hauteurs de Montmartre et de la Chapelle. Un extrait de La Saumoire d'Émile Zola, lu par Olivier Martineau. Alexandre Frondizi, avec Zola, nous avons une belle lecture de ce Paris populaire, toujours complexe Zola, parce qu'il écrit sous la Troisième République, en l'occurrence pour La Saumoire c'est 1876, en regardant par le passé, mais au moins il nous montre, allez, peut-être un cliché, une représentation globale, et ici c'est le mur de l'octroi. Est-ce que ce mur est une telle barrière? S'il le décrit, Gervaise ne peut pas passer. Elle est bloquée ou elle est comme sans cesse attirée par ce lieu. Alors, l'extrait qui vient d'être lu est splendide. Et il doit être déchiffré. Zola, vous l'avez dit, écrit La Saumoire au milieu des années 70, en 74-75. Il est publié en 76. Donc, il l'écrit sous la Troisième République. On peut le dire, des pamphlets anti-bonapartistes que ses romans. Et il écrit sous une république qui a une mémoire empoisonnée aussi. Une mémoire empoisonnée de quoi? De la Seconde République, pendant laquelle des républicains se sont affrontés en juin 1848. Ceux qui défendaient une république démocratique et sociale et ceux qui défendaient une république, on va dire, modérée. Et dans cet extrait, il me semble, j'avance peut-être un peu trop, je ne suis pas littéraire, mais j'ai soumis mes hypothèses à des spécialistes de Zola qui les trouvent séduisantes. Dans cet extrait, il fait référence à juin 48. Pourquoi? Il parle d'un hôpital en construction, l'hôpital Lariboisière. Alors, sur cet espace, ce chantier, a lieu la plus grande ou l'une des plus grandes batailles lors des journées de juin 48. De 1848. La barrière poissonnière dont il parle est une barrière imprenable par les forces de l'ordre qui doivent la détourner et pénétrer dans l'outre-octroi par l'ouest parisien. Ensuite, il est question de cris assassinés. Il est question d'abattoirs et de bêtes féroces massacrées. Il est question de quoi encore ? Il est question de bêtes massacrées. Bon, il est question surtout de flots d'hommes et de charrettes qui descendent depuis les hauteurs de la chapelle et de Montmartre vers le cœur de Paris. Ça nous rappelle les descentes des gardes nationaux de la banlieue vers le cœur de la ville, dont on parle souvent pour la période de la Commune, 71, qui serait une réappropriation du cœur de la ville par les expulsés, les ouvriers expulsés du cœur par Haussmann, sauf qu'on constate ce processus insurrectionnel dès février et juin 1848, des flots humains descendent depuis ces Aventins vers le cœur de la cité. C'est un élément important de faire de la géographie. Quand on s'intéresse à l'histoire, c'est même essentiel. Et en l'occurrence, là, nous sommes à l'échelle d'une ville de Paris. Alexandre Frondizi, nous avons Paris avec son mur de l'octroi. Autour de Paris, dans les faubourgs, dans l'outre-octroi, comme vous l'appelez, se développent des villes. Et ces villes ont une identité politique, une identité sociale. Et c'est aussi en ça qu'elles forment des villes. Et nous voyons bien que là, en faisant un écho à ce qui se passe en février 1848, il y a une construction entre le cœur-ville, j'ai envie de dire, la ville-centre, et cette ville qui se développe, qu'on appelle aujourd'hui la banlieue, pour simplifier. Cette opposition politique, vous, en travaillant sur ce moment où la ville se met en place, vous la percevez, il n'y a pas une volonté des autorités de construire une ville, de tracer des rues, ça se construit au niveau local, et ce niveau local crée des solidarités obligatoirement. Comment se soudent en fait ces populations qui s'installent autour de la ville ? Alors, dans votre question, il y a plusieurs aspects. Le premier, effectivement, c'est comment se crée concrètement, matériellement cette ville. Ce sont effectivement des lotisseurs qui percent des rues qui sont privées. Ça, on l'oublie souvent et ça nous paraît étrange. Bon, les historiens, pas aux historiens, mais peut-être à vos auditrices et à vos auditeurs, les rues sont privées et elles sont municipalisées quelques décennies plus tard et la municipalité, en les rendant publiques, ne fait que intégrer des aménités, des aménagements avec des normes très précises imposées par les lotisseurs aux lotis, aux acheteurs. Donc, par exemple, le pavage, l'éclairage, l'alignement des bâtiments, tout cela, ce sont en fait des normes privées, une fiscalité privée. Le lotisseur impose le paiement de taxes annuelles aux nouveaux propriétaires pour pouvoir entretenir tous ces aménagements. Donc voilà un premier aspect. Et le deuxième aspect, comment se créent les solidarités ? Beaucoup plus difficile à sourcer, on va dire, à trouver des sources pour répondre à votre question. Justement, l'une des façons d'y répondre, c'est de regarder ce qui se passe lors des journées révolutionnaires. Parce que après la répression de ces journées, il y a des procès où les voisins témoignent et racontent aussi ce qui se passe depuis une quinzaine d'années. Donc ce sont ces procès qui m'ont permis en quelque sorte de suivre la manière dont se créent ces solidarités, mais aussi ces conflits. Alors, ce qui me semble fondamental, c'est de dire que une année, celle de 1848, une année révolutionnaire, donc une crise politique, crée des solidarités. C'est-à-dire que ou politise ces solidarités de voisinage et que des institutions viennent solidifier presque ces solidarités. Je pense à la Garde nationale, qui est organisé par micro-territoire. C'est-à-dire que qui appartient à une compagnie de garde nationale ? Les habitants de quelques immeubles voisins. Je pense aux ateliers nationaux, qui sont ces institutions qui permettent de lutter contre le chômage, de donner du travail à ceux qui ne l'ont pas, et qui également, en grande partie, s'organisent de manière extrêmement territorialisée. Je pense à la commune, à la mairie. La mairie de la Chapelle, en 1848, est prise d'assaut, littéralement, par les habitants du quartier. Et c'est dès 1848 que des ouvriers siègent majoritairement au conseil municipal. On a l'impression qu'il faut attendre la commune pour que des ouvriers deviennent représentants. Sauf que dès 1848, vous l'avez dit avec Martin Nadeau à l'échelle nationale, mais à l'échelle locale, ce sont aussi les ouvriers qui gèrent leur propre ville. Mais Alexandre Frondizi, si l'on veut regarder un petit peu dans cette construction de la ville périphérique, mais très proche de la ville-centre, et si l'on reste sur l'exemple de 1848, nous avons deux révolutions en 1848. Il y a février qui renverse le roi Louis-Philippe et qui instaure la République. Et puis après, il y a juin 1848, où la division se fait entre ceux, vous l'avez rappelé, qui veulent une République sociale, très à gauche, quoi, et ceux qui veulent une république qui respecte l'ordre, une république modérée. Ces divisions se voient également dans l'espace. Quand on étudie l'espace de la ville, nous voyons les divisions politiques dès 1848, si on veut rester sur cet exemple-là. Alors, à une échelle urbaine, à une échelle de l'agglomération, ou on dirait aujourd'hui de l'aire urbaine, ces divisions se perçoivent très facilement. Dans l'espace, il suffit de regarder la géographie des barricades. Donc, en février, un peu moins. Mais en juin, les barricades se situent, pour aller vite, dans la moitié est de Paris. Il suffit de regarder aussi la géographie des résidences des inculpés d'insurrection en juin 1848. Là aussi, on va avoir un fort différentiel sur le taux d'inculpation des habitants d'un quartier et d'un autre. Donc, pour aller vite, un ouest bourgeois, plutôt favorable soit une république modérée, soit à la restauration d'une monarchie libérale, pourquoi pas même bourbonienne, et un Est populaire qui est plutôt favorable à une république, vous l'avez dit, sociale. Donc nous sommes autour de Paris, autour de l'octroi, cette barrière, cette frontière interne à la ville, et se construisent de manière privée des immeubles qui accueillent une population qui est politisée, une population qui est politisée et qui a une identité forte. Cette identité-là, on la retrouve notamment dans la chanson, avec un exemple toujours émouvant, Aristide Bruand qui chante La Goutte d'Or, mais Aristide Bruand lui-même, enregistrement des années 1920, qui chante La Goutte d'Or, le vrai Aristide Bruand. En ce temps-là, dans chaque famille, on blanchissait de mère en fille. Maintenant on blanchit encore, elle est goutte d'or, elle est goutte d'or. Elle était encore demoiselle, grand-maman l'appelle Isabelle, quand elle épousa le grand Nestor, elle est goutte d'or, elle est goutte d'or. Nous étions à la Goutte d'Or avec Aristide Bruand. La Goutte d'Or, donc quartier populaire, un de ces quartiers, une de ces villes en fait, qui se construit, on va dire de manière privée, avec une population venue parfois de Paris, parce que avec l'haussmannisation, les ouvriers sont obligés de se déplacer hors de Paris, et bien souvent par l'exode rural, ils viennent de toutes nos campagnes et ils s'installent dans ces quartiers-là. Mais dites-nous, Alexandre Frondizi, comment l'autorité prend-elle la main sur ces espaces-là, sur ces nouvelles villes? Parce que nous voyons comment ça se passe aujourd'hui. L'autorité regarde partout, ce qui est tout à fait logique. Et j'imagine que ces villes privées, pour aller très vite et synthétiser, ne peuvent pas échapper à un moment à l'autorité. Il y a une volonté de mettre la main sur ces espaces-là aussi. Oui, alors j'aimerais beaucoup réagir aussi à cette chanson. Réagissez. Je ne sais pas si j'ai le temps. Allez-y. Alors, Aristide Bruand, les années 1920, donc c'est un autre Paris populaire qui l'écrit, c'est celui de la prostitution, celui aussi de Zola, parce qu'il parle de la blanchisseuse. Donc, on passe déjà dans un autre Paris, dans un autre cycle de représentation sur la ville, parce qu'effectivement, pendant les années 1870 à la Première Guerre mondiale, la prostitution se développe énormément dans le quartier, notamment autour d'une rue, la rue de la Charbonnière. Mais je reviens à votre question, celle de le rapport entre l'autorité et la ville privée. Alors, encore une fois, il faut parler de 48. En 1848, le commissaire de police de La Chapelle, donc de laquelle dépend le quartier de la Goutte d'Or, qui n'a pas ce nom à ce moment-là, mais peu importe. C'est une maison, la Goutte d'Or. Voilà, en fait. C'est une maison, une maison qui est à l'angle de la rue dite de la Goutte d'Or et de la rue des Poissonniers, une maison donc de l'Ancien Régime, qui change de nom d'ailleurs au XIXe siècle, peu importe. L'important, c'est qu'on reprend cette expression de goutte d'or en 1860, lorsqu'on crée le quartier administratif. Alors, le commissaire, en 1848, réclame réclament plus d'effectifs pour pouvoir contrôler ces quartiers qui sont quelque peu délaissés par la préfecture de police de Paris, aussi par le préfet de la Seine. Voilà. Et donc, tout doucement, on sent que, et dès les années 1860, il y a cette mainmise de l'autorité sur la ville qui a surgi sans volonté de l'autorité, mais qui fait aujourd'hui ce que l'on appelle Paris. Il y a une limite administrative, et ce qui explique aussi, et c'est pour ça que c'est très contemporain, cette extension de la ville d'aujourd'hui. Nous parlons du Grand Paris, mais le Grand Paris existe déjà. Il existe déjà, c'est plus une relecture administrative de la chose qui se met en place. Nous allons continuer à parler des villes, de la manière dont les villes se fabriquent, la fabrique de la ville. Mais juste avant, nous allons retrouver un duo avec Brigitte Fontaine et Alain Bashung qui, eux aussi, chantent « La cité, la city ». France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le pays pardonné explose de fleurs blanches. Les gratte-ciels dorés s'inclinent vers les branches. La vapeur azurée crachée par les moteurs fait rire et fait rêver près des parcs en chaleur. Cité, c'est cité. Cité, c'est cité. Cité, c'est cité. Cité, c'est cité. Cité, c'est cité. Les barbus impudiques au fourreau lamé vert jouent les statues antiques montées sur des rollers. Des assassins candides aux t-shirts maculés aux braguettes splendides font craquer les pédés. Cité, c'est cité. Cité, c'est cité. Cité, c'est cité. Cité, c'est cité. Cité, c'est cité. La poudre vanillée au fort piment gris effleure les mosquées et les coupoles grises. Un grand jardin d'enfants qui font ce qui leur plaît côtoie des bâtiments où roule la monnaie. Dans le nez, un black sur le trottoir. Songe au milieu des pieds, blanc, jaune, rouge, noir. Cité, c'est cité. Cité, c'est cité. Cité, c'est cité. Cité, c'est cité, c'est la cité construite par Brigitte Fontaine et Alain Bashung. Alexandre Rondinzi, vous me disiez Alain Bashung qui est de la Goutte d'Or, qui est mort à la Goutte d'Or. Comme quoi il y a une cohérence sur l'ensemble de l'émission Le Cours de l'Histoire, une émission réalisée par Père et Le Gras, avec aujourd'hui à la technique Jordan Fuentes. Nous allons évoquer cette question du moment magique où la ville surgit, puisqu'il n'existe pas, car il ne surgit pas. La ville n'est pas une construction soudaine, c'est plutôt un millefeuille, un empilement. Avec vous, Hélène Noiset, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes maîtresse de conférence en histoire médiévale à l'Université Paris 1, et vous avez publié La fabrique de la ville, espace et société à Tours. Le livre s'étend du 9e siècle au 13e siècle, mais la lecture que l'on peut faire de Tours est encore plus large. C'est un exemple, comme un autre Tours. Ce qui est fascinant dans le travail que vous avez fait, c'est qu'évidemment, pour étudier une ville, il faut des plans, c'est ça l'idéal. Et ceux que vous avez utilisés en partie parmi d'autres, il y a le cadastre napoléonien, donc début du 19e siècle. Mais qu'est-ce que c'est étonnant ça, étudier un cadastre napoléonien pour étudier une ville médiévale. En fait, la ville n'a pas changé tant que ça. Oui, la ville du début du 19e et les plans parcellaires du début du 19e contiennent les héritages des occupations antérieures et donc de l'époque médiévale, mais même parfois antique, médiévale ou moderne. Et effectivement, à la fois la lacune et en même temps la richesse de travailler sur le Moyen-Âge, c'est qu'on n'a pas de plan en fait parcellaire et bâti complet d'une ville. Et il faut attendre pour ça la fin du XVIIIe siècle pour avoir les premiers plans de Saint-Siv et le cadastre napoléonien qui sont en fait ces premières générations de plans où on voit vraiment la texture urbaine. Donc le tissu urbain qui constitue un système formé d'une interaction entre les voies, les parcelles et le bâti. À cela se rajoute, après, l'humain, évidemment, parce que nous le savons bien, une ville, ce ne sont pas simplement des bâtiments, des rues, des pavés, il y a des habitants, et les deux se mêlent sans cesse, c'est-à-dire que pour comprendre le plan de la ville, il faut regarder les humains, et c'est intéressant de regarder qui occupe la ville pour comprendre le plan de la ville. Il y a ce jeu sans cesse que vous faites dans cette démarche autour de la réflexion de la fabrique de la ville. Exactement, c'est-à-dire que ce qui fait ville, c'est vraiment une interaction entre les pratiques des habitants, des pratiques sociales, des modes de vie qui peuvent être très larges, et la morphologie urbaine, donc la matérialité composée de ce système voie parcelle bâtie. Bien justement, Hélène Noiset, je vous propose d'aller faire un petit tour à Tours, mais en février 1965, ce sont dans les archives de l'ORTF, et en 1965, c'est sans doute comme dans le cadastre napoléonien, c'est sans doute comme avant, il y a toujours ces traces du passé. C'est un peu du mystérieux bonheur des oiseaux qu'il nous est donné de partager aujourd'hui en survolant à loisir quelques quartiers anciens du vieux Tours. C'est aussi en quelque sorte partir à la recherche de ces regards familiers qui, dans les siècles passés, se sont posés sur ces toitures artistiquement enchevêtrées et précieusement conservées. Par ces étroites venelles qui entendirent jadis les cris des porteurs d'eau et au travers desquelles les laquais se frayaient avec peine un chemin, rendons-nous au très bel hôtel connu sous le nom de Maison de Tristan ou encore de Maison de la Cordelière. Mais c'est avec la cathédrale Saint-Gatien que s'ouvre le cœur de tant de siècles d'histoire tourangelle. Assise en partie sur des soubassements gallo-romains, la cathédrale Saint-Gatien constitue un ensemble harmonieux réunissant tous les styles qui se succédèrent du XIIe siècle à nos jours. Il faut savoir gré aux patients imagiers de ce Moyen-Âge souvent oublié de nous avoir réservé sous les porches, rosaces ou fenestrages les joies de la découverte de tant de beauté. Magnifique ville de Tours où, comme la plupart des villes de France, quand la ville évolue, elle n'est pas détruite pour être reconstruite. Au contraire, tout se superpose. Et c'est en cela que votre démarche est intéressante, Hélène Noiset, c'est de travailler sur un temps très très long. Très long pour voir en fait ces différentes strates de la ville, ces adaptations et surtout ces modifications. En fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que l'habitant change la ville selon les besoins du moment, selon les différents contextes. Exactement. Ce qui fait vraiment ville, ce sont des modes de vie et d'une façon générale, le fonctionnement social, un rapport à l'autre, une manière d'être en société, et notamment la question de la gestion de la distance. Et la distance que l'on met entre soi et les autres, ça génère de l'espace. Selon que vous vivez dans des communautés plus ou moins fermées ou plus ou moins ouvertes, vous allez générer des espaces qui ont des morphologies plus ou moins refermées sur elles-mêmes, plus ou moins ouvertes, ou au contraire, plus ou moins découpées, plus ou moins densément parcellisées. Et ce qu'on peut montrer, c'est que des modes de vie, des manières d'être au monde, qui a priori n'ont rien d'urbain, comme des types d'églises, eh bien, ça a un effet sur l'espace, et ça produit des quartiers différents sans que ça n'ait jamais été pensé. C'est surtout ça, c'est-à-dire que ce n'est pas une décision venue d'une autorité supérieure qui décide de former la ville, c'est que la ville se forme selon les besoins. Et si nous restons à Tours, c'est vrai que là, nous avons un exemple très net sur cette transformation de l'espace selon les besoins. Hélène Noiset, vous avez évoqué justement les communautés religieuses à Tours. À Tours, il y en a. C'est vrai qu'à Tours, il y a Saint-Martin de Tours, mais il n'y a pas que Saint-Martin. Et selon les différentes communautés religieuses, nous avons des quartiers différents. Ils se construisent, ils s'agencent de manière en opposition l'un à l'autre, ou en tout cas on arrive à les distinguer dans l'espace, dans le plan, simplement selon les besoins de ces communautés. Alors, ce qu'on peut voir, c'est deux choses. C'est d'une part le résultat urbain, donc à partir de l'analyse du plan parcellaire du début du 19e, et on regarde notamment, on observe que, en gros, il y a deux quartiers qui sont situés à proximité l'un de l'autre, qui sont voisins. Le quartier de Saint-Martin-Tours, donc une collégiale séculière qui contient les reliques de Saint-Martin, objet d'un pèlerinage important au Moyen-Âge. Et puis, juste à côté, le quartier monastique bénédictin de Saint-Julien de Tours, qui est un monastère d'obédience clunisienne. Et donc, on peut faire une analyse objective de leur, l'agencement des parcelles, de leur plus ou moins grande, de leur plus ou moins grande importance, densité, superficie. Et on voit bien qu'il y a deux physionomies complètement différentes. Et ensuite, donc ça c'est le résultat. Et après, ou avant, mais on peut faire la relation avec la pratique sociale depuis le 9e siècle jusqu'au 13e siècle. Il y a un certain nombre de choix qui ont été faits, d'installations de communautés ecclésiastiques qui sont soit séculières, soit régulières, et qui ensuite ont des conséquences sur les relations avec les autres, le reste de la population, ce qu'on appelle les laïcs. C'est-à-dire les laïcs, c'est pas, c'est tout simplement ceux qui ne sont pas les hommes d'église, c'est-à-dire 95% de la population. En fait. Les chanoines de Saint-Martin, par exemple, qui sont vraiment dans leur temps, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont en contact avec le reste de la ville, s'opposent aux moines bénédictins, qui eux sont enfermés un petit peu dans leur monde, selon la règle de Saint-Benoît, et dès lors... C'est vrai que vous, en analysant cette ville de Tours, vous voyez la différence, c'est-à-dire que des religieux qui sont plus proches de la ville ont besoin de plus d'interactions, d'échanges, alors que les moines qui sont enfermés dans leur monastère ont moins besoin d'échanges, et ça se traduit concrètement dans la ville. Tout à fait, c'est... Quand on compare les deux types de communautés, ces deux types de communautés qui sont instituées comme étant les deux seules possibles à partir de Charlemagne au début du IXe siècle, parce que jusque-là, il y avait une diversité de statuts ecclésiastiques, mais là, Charlemagne, bon, en gros, on va dire, on fait le ménage et dit, vous choisissez, vous êtes soit moine, soit chanoine, mais pas les deux. Donc, vous êtes soit régulier, vous vivez sur une règle de vie monastique dans un monastère, soit vous êtes chanoine, vous êtes séculier, et donc vous répondez aux attentes liturgiques et sacramentelles des fidèles. Donc, en fait, ces deux communautés qui sont pensées pour répondre, l'objectif est le même, c'est de parvenir au salut de l'humanité. Et ça, on considère à ce moment-là qu'il faut ces deux types de communautés pour répondre, parce que les moines doivent, en quelque sorte, rejouer la scène avec un C, ils doivent réactualiser la perfection évangélique, donc ils doivent s'extraire du monde, c'est le thème du désert monastique, donc ils doivent pas être... il faut qu'ils puissent être purs, hein, comme dans le modèle apostolique. Donc évidemment, il faut éviter les contacts avec ce qu'on appelle le siècle. Au contraire, les chanoines, eux, sont là pour répondre aux attentes des fidèles. Donc, et notamment les attentes liturgiques, par exemple la prise en charge du pèlerinage de Saint-Martin, puisqu'il y a des pèlerins qui viennent en masse, hein. En masse à l'époque carolingienne à Saint-Martin. Et donc c'est autour de ça que se constitue justement le bourg de Saint-Martin. Et dans la longue durée, cette occupation qui est séculière jusqu'à la Révolution française côté Saint-Martin et qui est régulière jusqu'à la Révolution côté Saint-Julien, elle produit bien des quartiers différents. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est quand vous allez à Tours, le vieux Tours, c'est quoi? C'est le quartier Saint-Martin. C'est le quartier qui s'est formé autour du bourg de Saint-Martin, lié au développement du pèlerinage à partir de l'époque carolingienne, et qui a suscité donc une série d'accords, de choix, de décisions depuis le IXe siècle, pendant tout le Moyen-Âge, mais on pourrait continuer aussi jusqu'à l'époque moderne, mais il y a un moment des choix qui sont faits, où on installe des populations qui vont nécessairement amener à une densification de l'espace, parce que qui dit installation de populations, d'artisans, de changeurs, de banquiers, d'orfèvres, ben, il faut bien les installer quelque part, donc il faut faire des parcelles, construire des maisons, et on voit un mouvement qui va toujours dans le même sens côté séculier, qui va dans le sens d'une densification du côté séculier, et au contraire dans le sens d'un frein à la densification côté régulier. C'est intéressant cette démarche-là, parce que ça nous donne à travers le temps une explication de la ville, de sa construction et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et puis dans votre démarche, Hélène Noiset, il y a un intérêt majeur porté à la géographie. Nous allons écouter comment Jacques Lévy définit ce que peut être la ville. C'est dans le Guet Savoir sur France Culture. C'était en décembre 1995. La ville, c'est de la densité plus de la diversité, c'est-à-dire le maximum de choses dans le minimum de place. Et je crois que il faut revenir à cette définition. D'ailleurs, c'est pas seulement moi qui le dis. Ce qu'on a appelé le mouvement moderne en architecture et en urbanisme a voulu ignorer ce qu'était le fondement même de la ville et a voulu zoner, c'est-à-dire séparer les fonctions et les lieux. Et je crois que ça a produit un certain nombre de catastrophes qui ne sont pas totalement terminées, malheureusement. Mais cette expérimentation, qu'on aurait peut-être pu éviter, je ne sais pas, mais en tout cas elle a eu lieu, nous permet aussi de voir comment on peut peut-être prendre une autre direction, d'où effectivement l'importance de favoriser une ville dense et variée, diverse, mixte à tout point de vue, à la fois en termes de population et en termes de rapport habitat-emploi, d'activité. Donc il faut repenser le centre, en fait. Je crois, et ses priorités. Je dirais que là, Henri Lefebvre a été un visionnaire extraordinaire, parce que son expression « le droit à la ville », je dirais qu'elle, telle qu'en elle-même, enfin, l'éternité la change, hein, pour, système Mallarmé, je crois qu'elle devient de plus en plus moderne. C'est-à-dire que d'une intuition, elle commence à devenir un programme quasiment politique. Et c'est là que ça devient intéressant. Jacques Lévy, que nous venons d'entendre, qui parle de la ville. Nous étions en 1995 sur France Culture. Vous, Hélène Noiset, vous êtes historienne. On pourrait dire historienne du fait urbain, mais non. En fait, vous êtes largement au-delà de cette vision, parce que être historien du fait urbain ne permet pas de comprendre la ville. Il faut englober l'ensemble de la société pour comprendre cette ville-là. Et la géographie fait partie de la démarche pour analyser ce phénomène qui nous intéresse. Qui décide de faire une ville ? Oui, je pense que on a plus de points communs que de différences entre les différentes disciplines des sciences du social, et je pense qu'on aurait intérêt à unifier histoire, géographie, sociologie, anthropologie d'une façon générale, et c'est d'ailleurs un projet que nous avons avec Jacques Lévy et d'autres collègues. Nous sommes en train de rédiger un manuel de sciences du social où on essaie effectivement de réfléchir un peu à ce qui se fait la spécificité du social, et alors notamment le fait urbain. La lecture de Jacques Lévy a été pour moi vraiment éclairante quand j'ai commencé ma thèse, parce que je me suis dit, ah voilà, voilà une conceptualisation riche et utile qui me permet de comprendre ce que je vois dans mes actes du 13e, du 9e, du 10e. C'est-à-dire que je vois des gens s'agiter, je vois des hommes occupés à faire des affaires, et je vois un plan, je vois qu'il y a bien des relations entre les deux, mais qu'en même temps, il n'y a pas de connexion directe, et pourtant il y en a une, et cette connexion, elle se fait par l'espace déjà là. Parce que chaque décision, chaque accord social entre une configuration momentanée d'acteurs va se traduire par un aménagement qui va produire donc un espace qui constitue une contrainte pour de futurs accords sociaux, pour de futurs futures modalités sociales. Donc, je vous donne un exemple, par exemple à Tours, lorsque la collégiale de Saint-Martin est reconstruite par le trésorier Hervé au début du XIe siècle, Hervé expulse une petite communauté monastique féminine, les moniales de l'Écrignole, qui se trouvait juste à côté de la collégiale et qui était sur la grande place par laquelle on accède à la basilique et aux reliques. Il les expulse, il les envoie à quelques kilomètres. Bon, très bien, ça c'est au début du XIe siècle, on est dans la perspective de la reconstruction de la collégiale en très grand. Cette expulsion démoniale va libérer de l'espace, et un petit demi-siècle plus tard, on va voir un autre accord se mettre en place, avec des acteurs complètement différents, mais qui évidemment bénéficie en quelque sorte de l'accord précédent. C'est qu'on voit des changeurs et des banquiers, en fait, des manieurs d'argent et des orfèvres qui sont installés que le chapitre de Saint-Martin autorise de s'installer sur cette même place où se trouvaient auparavant les moniales. Donc, vous voyez, il n'y a pas de filiation directe entre l'expulsion des moniales et l'installation des changeurs, si ce n'est l'espace. C'est la médiation spatiale et l'héritage du fait qu'on a libéré de l'espace qui fait qu'à un moment, on va pouvoir s'installer. Et on voit quoi ? On voit le départ d'une communauté monastique et au contraire, on voit l'installation de plusieurs artisans. Donc on a bien une densification. C'est la fabrique de la ville. L'expression est magique, cette fabrique de la ville. C'est toujours dans cette idée que la ville n'est pas une décision, à part quelques cas. Mais c'est en cela qui nous intéresse, les cas de décision par les autorités de construire une ville, Brasilia, il y en a plein d'autres. Ce sont des cas mineurs face à la masse des villes qui se fabriquent. C'est mieux que dire construire une ville. C'est la fabrique de la ville. Oui, alors c'est une expression effectivement qui a tendance à être de plus en plus utilisée et qui est intéressante aussi parce qu'elle a, alors pour le Moyen-Âge spécifiquement, une signification matérielle intéressante, puisque la fabrique, c'est en fait la communauté des laïcs, des marguilliers qui gèrent le patrimoine d'une église paroissiale. Donc ça veut dire que c'est elle qui gère le trésor, le bâtiment, l'édifice de l'église. Donc ça c'est un terme proprement de l'époque médiévale, mais qui effectivement a un écho beaucoup plus large et qui a l'intérêt d'insister sur la notion à la fois de mécanisme et justement sans trop insister sur de la pensée imposée d'en haut. Voilà, c'est une mécanique qui ne vient pas de la pensée imposée d'en haut, mais qui donne une réalité. Ce sont les villes que nous avons autour de nous. Merci à vous deux, Alexandre Frondinzi, pour nous avoir emmenés à Paris, au-delà de Paris. Et merci beaucoup à vous, Hélène Noiset, pour ce petit tour à Tours, mais surtout sur cette lecture de la fabrique de la ville. Mais il est l'heure de rejoindre, plus qu'un univers, tout un autre espace. C'est l'heure du journal de l'histoire d'Anaïs Quien.